Chapitre 9e, perdu pour toujours. Les minutes s'envolaient. 10h moins le quart, 10h, 10h un quart. Et cependant Richard Hare était encore près de sa mère, et Carla et les Barbara parcouraient patiemment le terrain qui s'étendait devant la maison du juge. À 10h30, Richard jugea prudent de s'esquiver. Il descendit au jardin, embrassa sa sœur qui pleurait en lui rendant ses baisers, et après avoir serré affectueusement la main de Carlyle, il s'enfuit et disparut bientôt derrière les grands arbres. Carlyle s'en alla également d'un pas rapide pour gagner sa maison. Barbara, demeurée seule, appuya son front contre les barreaux de la grille et laissa couler ses larmes. Le juge n'arrivait pas. Qu'était-il devenu? À quoi pensait donc la taverne du Dain pour retenir ainsi attablés loin de leur lit ces hommes si respectables par leur âge? Ces graves fonctionnaires qui devaient rentrer chez eux de bonne heure, ne fût-ce que pour donner le bon exemple. Barbara attendait ainsi, mais en vain, le retour de son père, tandis que sa mère, à genoux au chevet de son lit, levait au ciel des mains fébriles et priait Dieu de veiller sur son fils. La nuit était fraîche et paisible, rien n'en troublait la tranquillité, si ce n'est le bruissement ailé des oiseaux qui se remuaient dans leur nid de feuillage. Il vint un moment où la pauvre fille se redressa subitement et pleine de terreur. Que venait-elle d'entendre? Était-ce son père qui revenait enfin? Non. Là-bas, blotti sous l'ombre de la haie, un homme semblait la guetter. Qui donc était-ce? Elle tremblait, et sa démarche mal affirmée indiqua son effroi. « Qui va là? » cria-t-elle enfin, en s'efforçant de dompter sa frayeur. « Tais-toi, tais-toi, c'est moi !» répondit une voix sourde et étouffée. « Mon frère ?» murmura Barbara. « Oui, » continua Richard en se jetant devant d'elle. « Oui, j'ai rebroussé chemin de l'espoir que tu serais ici encore. »« Mais qu'as-tu donc? Que t'est-il arrivé ? » demanda-t-elle en le voyant hors d'haleine et tout tremblant. « Oh, ma sœur ! Ma sœur » continua-t-il en s'appuyant sur elle. « Sais-tu qui je viens de rencontrer ? Thorne, le capitaine Thorne !» Barbara crut qu'il délirait. « Oui, » fit-elle avec douceur. Et comme pour le rappeler à lui-même, « Oui, je sais que tu l'as vu, mais malheureusement ce n'est pas le même, ce n'est pas le vrai Thorne. »« Je ne fais pas allusion à l'individu que j'ai vu ce soir à l'étude de Carlyle, non. Celui dont je parle, celui que je viens de voir, c'est le véritable Thorne, l'assassin de Harry John. » Barbara portait sur son frère des yeux hagards et presque hébétés. « Pourquoi me regardes-tu ainsi ? » dit Richard. « Je l'ai vu, te dis-je, vu autant que je te vois en ce moment. » En te quittant, j'ai pris un sentier de traverse plus solitaire que la route. J'arrive à ce bouquet d'arbres qui est là-bas. De loin, j'aperçois quelqu'un qui s'avance vers moi. Je bats aussitôt en retraite derrière les touffes de feuillage. L'individu suivait le milieu du chemin, se dirigeant vers West Lyne. Mes yeux se fixèrent sur lui, et bien avant qu'il ne fût à mes côtés, je le reconnus. Oui, je le reconnus, c'était Thorne. Barbara écoutait sans répondre, la bouche béante et les mains tendues vers son frère. Tout mon sang s'embrasa. J'allais me précipiter sur lui, l'étreindre à la gorge, et crier de toute la force de mes poumons « Halte-là, misérable ! Halte-là, assassin d'Ali John !» Mais la voix me manqua, ou plutôt le courage. Thorne est plus grand, plus fort, plus robuste que moi. Il m'aurait tué, car c'est un lâche. « Voyons, Richard, calme-toi, et tâche de chasser ses idées. Ce n'est là qu'une illusion, qu'un rêve que tu as fait. Quoi ? Que me dis-tu là, Barbara ? Un rêve ? Oh non, c'est une réalité. Suis-je donc un enfant, un niais, pour me créer de pareilles visions, pour me laisser dominer par mon imagination? Je te le répète, je l'ai vu. Il marchait la hâte, tenant d'une main son chapeau, de l'autre un petit paquet. Il s'essuyait le front comme quelqu'un qui s'est échauffé en marchant trop vite. De temps à autre, il passait ses doigts dans sa chevelure. À ce seul geste, je l'aurais reconnu. C'est un de ces gestes d'autrefois. Puis je revis, et je reconnus aussi la bague et même le diamant. Ce diamant taillé à facettes, et dont la lune faisait alors étinceler le feu dans tout son éclat. Dans la voix de Richard, dans ses manières, il y avait un ton de sincérité et de conviction intime qui pénétra l'âme de Barbara. Pas un trait de sa figure ne m'est échappé. C'est à peine s'il est changé. Sois-en convaincu, ma sœur, c'est Thorne, c'est lui-même. Barbara ne put douter davantage, et cédant alors au transport de sa joie, elle oublia tout, la nuit qui s'avançait, sa mère qui l'attendait, son père enfin qui, d'un moment à l'autre, pouvait être de retour. « Richard, il faut absolument que Carlyle soit informé de cette nouvelle. Il vient de me quitter, mais en allant vite, nous pourrons peut-être le rattraper. » Et alors, sans songer au bruit et aux rumeurs qui pourraient circuler sur son compte si l'on venait à la voir parcourir ainsi la nuit de grands chemins, sans songer aux questions que pourrait lui faire son père si en rentrant il ne la trouvait pas à la maison, sans se préoccuper enfin du « quand dira-t-on » et du « quand adviendra-t-il », Barbara s'élança sur la route et se mit à courir, l'œil en feu et le cœur pantelant, suivi de Richard, qui, tout en baissant la tête, portait de tous côtés des regards inquiets et interrogateurs. Ils coururent ainsi tout le long du chemin, sans rencontrer âme qui vive, et arrivèrent bientôt, tout essoufflés, hors d'haleine et en sueur, devant le château d'Eastline, au moment même où Carlyle allait y pénétrer. « Comment, c'est vous, Barbara ?» s'écria l'avoué au comble de l'étonnement. « Ah, Archibald ! » bégaya-t-elle d'une voix haletante. « Je suis folle. Venez, venez parler à Richard, il est là. Il a vu Thorne, le vrai Thorne. » Carlyle avait peine à en croire ses oreilles. Il suivit Barbara, qui le conduisit derrière une haie, presque en face de la grille. Richard avait jugé prudent de s'arrêter en cet endroit et de s'y cacher. « Monsieur Carlyle, fit Richard, tout en essuyant les gouttes de sueur qui perlaient sur son front, j'ai vu le meurtrier, il est dans le pays, je vous le jure. » « Cette nouvelle me surprend, » répliqua Carlyle après un moment de silence, « et je puis vous certifier qu'il ne se trouve personne ici aux alentours qui porte le nom de Thorne, excepté l'homme que vous avez rencontré ce soir dans mes bureaux. « Il se peut qu'il ait changé de nom, » reprit Richard, « mais c'est lui, je vous le garantis. » « Comment était-il vêtu ?»« Il était en habit de soirée et portait un léger par-dessus non boutonné. J'ai reconnu chaque trait, chaque ligne de sa physionomie, jusqu'au geste de sa main blanche et efféminée. « Jusqu'à ce diamant, à l'éclat si vif dont je vous ai parlé autrefois. » Carlyle et Barbara observaient le plus morne silence. Ils songeaient tous deux au parti qu'ils convenaient de prendre. « Voici mon conseil, » dit enfin l'avoué. « Vous ne quitterez pas le pays. Vous demeurez un jour ou deux dans le voisinage pour nous aider à découvrir l'homme en question. Si vous le revoyez, vous le suivrez à la piste et vous tâcherez de savoir où il demeure. « Mais vous n'y songez pas, monsieur Carlyle, et que deviendrai-je si on me reconnaît ?» « Calmez vos alarmes et soyez sans inquiétude. Déguisé comme vous l'êtes, il est impossible que l'on sache qui vous êtes. D'ailleurs, après tant d'années, personne ne pense plus à vous. » Mais Richard avait trop peur pour se laisser convaincre. Il se borna à donner le signalement de l'individu qu'il avait rencontré, et après avoir, non sans peine et sans beaucoup d'hésitation, consenti à révéler à Carlyle l'endroit où, en cas de besoin, on pourrait lui adresser une lettre à Londres, il s'échappa au plus vite. Carlyle et Barbara le suivirent quelque temps du regard et le virent disparaître peu à peu dans l'ombre et derrière les sinuosités de la route. « Maintenant, Barbara, » reprit Carlyle, « je vais vous reconduire chez vous. Je ne le permettrai pas. Il est trop tard et vous devez être fatiguée. Y pensez-vous, mon enfant ? Je ne souffrirai pas, soyez-en sûr, que vous retourniez seule par ailleurs. Il est 11 heures. Mais que va dire Lady Isabelle ? Elle sera fort inquiète. Rassurez-vous. Je ne sache pas qu'elle soit de retour, et d'ailleurs, peu importe. » Arrivée chez elle, Barbara monta la hâte auprès de sa mère et lui raconta tout ce qui était survenu depuis qu'elle l'avait quittée. Sa joie fut grande en apprenant que son père n'était pas encore rentré. Lady Isabelle était dans son cabinet de toilette lorsqu'arriva Carlyle. Assis devant une petite table, son pupitre ouvert, elle écrivait la hâte et d'une main fébrile. Carlyle lui adressa quelques questions sur la soirée qu'elle venait de passer. Question auxquelles elle ne fit que des réponses laconiques. Il lui demanda ensuite si elle ne songeait pas se coucher. « Je n'ai pas sommeil, » répondit-elle. « Je suis épuisée de fatigue, » continua l'avoué. « Je vais me reposer. »« Allez donc, rien ne vous en empêche. » Il se pencha pour l'embrasser, mais elle détourna vivement son visage. Il comprit alors qu'elle était blessée, froissée sans doute de ce qu'il ne l'avait pas accompagnée à la soirée. « Enfant, » murmura-t-il en posant doucement sa main sur l'épaule de sa femme. « Pourquoi vous chagrinez de la sorte? Était-ce ma faute? Allons, bonsoir, et ne me boudez plus demain. » Isabelle, sans daigner faire la moindre réplique, se pencha de nouveau sur son pupitre. Carlyle alla se mettre au lit. Et quelque temps après, Lady Isabelle monta lestement l'escalier et pénétra sans bruit dans la chambre de Joyce. Celle-ci s'éveilla en sursaut, se dressa sur sa couche et se frotta les yeux, en apercevant devant elle sa maîtresse un flambeau à la main. « Êtes-vous malade, ma lady ?»« Malade, oui. Malade et malheureuse. » Elle était en effet d'une pâleur extrême. Joyce, continua-t-elle, si jamais mes enfants se trouvent privés de leur mère, promettez-moi de veiller sur eux, de ne jamais les abandonner, promettez-le. Joyce ouvrait de grands yeux. L'étonnement, la surprise que lui causait cette visite nocturne la rendait muette. Joyce, reprit Isabelle, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas, vous resterez auprès de mes pauvres enfants. Certainement, ma lady, mais qu'avez-vous donc? Vous me faites peur. Au revoir, Joyce, soupira Isabelle en lui faisant de la main un geste d'adieu. Puis elle sortit en refermant doucement la porte. Joyce demeura quelques minutes encore assise sur son séant, se demandant si elle était bien éveillée, cherchant à se rappeler les paroles qu'elle venait d'entendre, et le sommeil vint la surprendre de nouveau au milieu des pensées qui lui trottaient par la tête. Joyce ne fut pas la seule personne dont le sommeil fut troublé et brusquement interrompu pendant cette nuit si fertile en événements funestes et étranges. Carla, elle lui aussi, fut subitement réveillée par un épouvantable rêve. Il voulait saisir sa femme et sa main alla s'abattre sur une place froide et inoccupée. Il voulut savoir l'heure et sa montre à répétition sonna 3h15. Il sauta à bas de son lit, s'enveloppa dans sa robe de chambre et s'élança tout effaré vers la porte du cabinet de toilette. Il y régnait l'obscurité la plus grande, le silence le plus profond. « Isabelle, Isabelle » cria-t-il d'une voix pleine d'angoisse. Mais il ne reçut aucune réponse. Il se procura alors de la lumière, alluma une bougie, et craignant que sa femme ne fût malade ou que le sommeil ne l'eût surprise dans une des pièces de l'appartement, il parcourut la maison du haut en bas, mais il ne la trouva nulle part, et dans son inquiétude, il alla frapper à la porte de sa sœur. « Qui est là ? » fit Mademoiselle Carlyle en se dressant sur son lit. « C'est moi, Cornélie. Vous, qu'est-il donc arrivé, mon frère ? Entrez, entrez !» Carlyle entr'ouvrit la porte, et il aperçut sa sœur qui le regardait la bouche béante et les yeux effarés, le corps courbé en deux et la tête coiffée d'un bonnet de nuit d'une hauteur fabuleuse. « Êtes-vous indisposée ? » demanda-t-elle. « Non, mais Isabelle doit être malade. Je ne puis la trouver nulle part. »« Comment cela ? Quelle heure est-il ? Est-ce qu'elle n'est pas couchée ? Il est 3h15 et Isabelle ne s'est pas mise au lit. Je ne sais où elle est. »« Joyce est peut-être souffrante. Il sera allé la soigner. » Carla, elle courut à la chambre de Joyce, mais Isabelle n'était pas là. « Joyce, s'écria Carla, elle, avez-vous vu Milady ? » C'est à peine si la pauvre servante pouvait répondre. Elle venait d'avoir un horrible cauchemar. Elle venait de rêver à Lady Isabelle. Elle avait peine à dégager tout d'abord son rêve de la visite qu'il avait provoquée. « Que dites-vous, monsieur ? » balbutia-t-elle en tremblant d'effroi. « Je vous demande si vous avez vu votre maîtresse. »« Si je l'ai vue. » »« Oui, elle est venue ici un peu avant minuit, mais elle n'est restée qu'un instant. »« Que voulait-elle ? Que vous a-t-elle demandé ? » ?»« La pensée va vite. » L'imagination plus vite encore. Joy se souvenait des paroles sombres et étranges prononcées par Lady Isabelle, et maintenant ces paroles retentissaient d'une manière fatale à ses oreilles. Une indicible frayeur se peignit dans les traits de la pauvre servante. Ses yeux se dilatèrent, son cœur se contracta. Sans plus songer à son pied malade, sans se préoccuper de la présence de Carlyle, elle se précipita à bas du lit, et s'emparant d'un jupon de flanelle, elle y introduisit ses jambes, le noua autour de sa camisole, et toute considération s'effaçant devant la terreur atroce qui l'étreignait, elle finit par s'appuyer en tremblant sur le bras de Carlyle. « Ah, monsieur, monsieur, elle s'est détruite, j'en ai la conviction. »« Joyce ne parlait pas ainsi !» fit Carlyle d'une voix impérieuse. « Elle s'est tuée, vous dis-je » insista la servante, dont les joues étaient livides et les lèvres blêmes d'émotion. Elle est venue ici, elle m'a parlé, elle m'a fait promettre que je veillerais sur ses enfants. Elle m'a dit qu'elle était malade et malheureuse. Oh, monsieur, je ne comprenais rien alors. Je comprends tout maintenant. Carla, elle était muet et pensif. Oh, ceci vous paraît incroyable et impossible, monsieur, reprit Joyce en se tordant les mains. Et cependant, rien n'est plus vrai. Milady était trop malheureuse, elle a voulu en finir. Joyce, vous êtes folle, vous avez le délire, sans doute. « Votre maîtresse malheureuse, qu'entendez-vous par ces mots ?» Joyce allait s'expliquer lorsque Mademoiselle Carlyle, qui avait entendu une partie de ces débats, apparut tout à coup vêtue à la légère, ses longues jambes enfouies dans des bas noirs et ses épaules recouvertes d'un châle. Elle portait sur sa tête le majestueux bonnet que nous avons déjà signalé au lecteur. « Que se passe-t-il donc » demanda-t-elle. « A-t-on retrouvé Lady Isabelle ? Non, répondit Joyce en proie à la plus violente surexcitation. Non, on ne l'a pas retrouvée et on ne la retrouvera que dans son linceul. Tenez, madame, puisque je vous vois là, en présence de monsieur votre frère, je profiterai pour vous dire ce que j'ai sur le cœur. Tout à l'heure, quand nous aurons là, sous nos yeux, le corps inanimé de Lady Isabelle, que direz-vous? Que penserez-vous? Monsieur l'a toujours aimé, lui. Il s'attache à lui rendre l'existence douce et paisible, mais vous, vous avez fait tout en votre pouvoir pour torturer son cœur et la dégoûter finalement de la vie. Allons, vous radotez, fit Mademoiselle Carlyle tout en regardant Joyce d'un air consterné. Vous ne savez pas ce que vous dites. Oh, si, je le sais. Ma maîtresse s'est ôté la vie parce que vous l'y avez poussée. Jamais elle n'a pu faire sa volonté depuis qu'elle est à Eastline. La pauvre dame, elle était censée tourmenter et harceler par vous. Elle était l'esclave de vos caprices et de votre humeur. Vous avez tout fait, madame, excepté de la battre, et elle a tout supporté, tout enduré, avec la patience d'un ange, sans se plaindre, sans jamais dire un seul mot. Monsieur en verserait des larmes de sang, s'il savait, s'il pouvait deviner tout ce qu'elle a souffert, les affronts qu'elle a essuyés depuis tant d'années. Mademoiselle Carlyle demeurait comme pétrifiée. Son frère la regardait fixement sans pouvoir proférer une syllabe, le cœur palpitant, les oreilles pleines de sons étranges. « Joyce, murmura-t-il enfin, que dites-vous là ?»« Ah, monsieur, il y a longtemps que je voulais vous révéler tout ceci, mais aujourd'hui que les choses en sont venues à cette terrible fin, il faut que vous sachiez la vérité. Depuis le soir de son arrivée ici, Lady Isabelle s'est entendue sans cesse reprocher les dépenses qu'elle vous causait. Elle se privait des choses les plus simples, les plus ordinaires, parce qu'on lui faisait comprendre que vous vous ruiniez pour elle. Ce soir même, pour aller à ce dîner, elle voulait une coiffure, et vous, madame, par des paroles cruelles, vous l'avez empêchée de s'en procurer une. Et ne sut mieux borner ses désirs. Je l'ai vue, madame, les yeux noyés de larmes, la tristesse dans l'âme. Elle était douce, généreuse et noble, et vous l'avez réduite au désespoir. Qu'avez-vous à répondre, ma sœur ? Demanda Carlyle d'une voix accentuée, profondément émue. Mademoiselle Cornélie ne bougeait point et ne pouvait articuler un seul mot. Pour la première fois de sa vie, la parole lui manqua. « Puisse Dieu vous pardonner, Cornélie !» soupira l'avoué en sortant de la chambre. Il descendit à la sienne. Une voix inconnue lui criait que sa femme ne s'était pas tuée. Il vint à croire qu'en proie au découragement, elle errait dans le parc. Déjà le jour était venu, et tout le monde était levé dans la maison. Les domestiques avaient commencé leur service. Joyce, soutenue par une force surnaturelle, était parvenue à poser le pied par terre et tout en rampant et en sautant, elle avait pu se rendre dans le cabinet de sa maîtresse. Elle fouilla partout, dans les armoires et dans la commode, et finit enfin par découvrir, dans le tiroir de la toilette, un billet écrit de la main de Lady Isabelle. Elle s'empressa, autant du moins que le lui permettait sa jambe malade, de le porter à son maître. Carlyle s'empara de la lettre et regarda l'adresse. Archibald Carlyle. C'était un homme flegmatique, maître de lui-même. Toutefois, en rompant le cachet, ses mains tremblèrent d'un mouvement nerveux. Les années s'écouleront, et mes enfants vous demanderont un jour où est leur mère et pourquoi elle les a abandonnés. Vous leur direz alors que c'est vous-même, vous, leur père, qui l'avez poussé à commettre cette faute. Ils vous demanderont ce qu'elle est devenue. Dites-le-leur, si bon vous semble, mais vous leur direz aussi que vous l'aviez outragée, trahie, précipitée dans l'abîme du désespoir quand elle les quitta désespérée. Cette écriture, l'écriture de sa femme, semblait flotter indécise à ses yeux. Il ne comprenait que trop maintenant qu'elle avait déserté le lit conjugal, qu'elle s'était enfuie. Avec qui? Il en avait un affreux pressentiment. Le billet, du reste, ne lui offrait d'un bout à l'autre qu'une énigme difficile à résoudre. Comment l'avait-il outragée? Les persécutions dont parlait Joyce étant l'œuvre de Cornélie, il n'y était évidemment pour rien. Qu'avait-il donc fait lui-même? De quoi s'était-il rendu coupable? Il relut la lettre, la relut encore, mais sans pouvoir arriver à une conclusion satisfaisante. À ce moment, des rumeurs et des sons de voix parvinrent à ses oreilles. C'étaient les domestiques qui rôdaient, épiaient et commentaient entre eux. Le capitaine Levison, disait-il, n'était pas dans sa chambre et n'avait même pas couché cette nuit au château. Joyce, à moitié courbée, s'appuyait sur le dossier d'un fauteuil, les yeux hagards et effarés, trahissant la plus violente agitation. Elle n'entrevoyait pas encore la fatale vérité. Carlyle ouvrit un portefeuille et serra le billet maudit. Ses doigts tremblaient et ses dents s'entrechoquaient convulsivement. « Joyce, fit-il en se dirigeant vers la porte. « Ne parlez point de cette lettre à personne, vous m'entendez ?»« Cette lettre annonce-t-elle que Milady est morte ?»« Non, elle n'est pas morte, elle est pire que cela, » ajouta-t-il dans son cœur. « Qui vient là ?» s'écria tout à coup la servante. C'était la petite Isabelle. Éveillée en sursaut par le bruit qui se faisait dans la maison, elle accourait les pieds nus et vêtue seulement de sa longue chemise blanche. « Qu'est-il donc arrivé, Joyce ? Où est maman ?»« Retournez-vous coucher, mon enfant, vous allez attraper froid. »« Je veux voir maman !» persista l'enfant. « Monsieur, veuillez dire à Isabelle qu'elle aille se remettre au lit. » Sans faire attention à ses paroles, car là il plaça doucement sa main sur la tête de la petite fille et jetant à Joyce un regard plein de tristesse. « Joyce, murmura-t-il d'une voix concentrée, à l'avenir, vous l'appellerez Lucie. » Puis il s'en alla. « Isabelle, mais non, c'est Lucie, que nous devons dire à présent. » Après être sorti un instant, revint à la hâte auprès de sa bonne et la tirant par un pli de sa robe. « Joyce, est-ce que c'est vrai ?»« Vrai quoi, mon enfant ? Ce que je viens d'entendre dire aux domestiques, que disent-ils ? Que le capitaine Levison a emmené ma maman avec lui ?» Pour toute réponse, Joyce poussa un cri aigu et s'affaissa sous le poids de sa douleur. « Pourquoi donc l'a-t-il emmenée ? » continua la petite fille. « Est-ce pour la tuer avec son sabre ? Taisez-vous, mon enfant, taisez-vous. Mais je veux revoir maman, bonne petite Joyce, j'ai besoin de l'embrasser. Quand reviendra-t-elle ? » Joyce, pour mieux cacher sa douleur, se voila la figure de ses deux mains. En cet instant, Mademoiselle Carlyle pénétra dans la chambre en marchant sur la pointe des pieds. Puis elle alla s'asseoir sur une chaise. Sa figure livide, verdâtre même, décomposée par le chagrin, par le remords, faisait peine à voir. « Que Dieu ait pitié de cette maison déshonorée » murmura-t-elle d'une voix étouffée. Entre minuit et une heure, le jugeur rentrait chez lui fort joyeux et la tête quelque peu surexcitée par des libations réitérées. 9 parties gagnées aux cartes avaient en outre contribué à le mettre en belle humeur. Dès qu'il fut en présence de sa femme, il s'empressa de lui raconter comment, au moment où il ouvrait la grille du jardin, il avait vu passer devant lui, comme un éclair, une chaise de poste attelée de 4 chevaux. Il ne pouvait s'imaginer, ajoutait-il, qui s'y trouvait renfermé, ni où elle allait, à pareille heure de la nuit.